tueur à gages, sans foi ni loi, sans bagage. J'ai un œil dans le viseur, un œil dans le rétroviseur. Je prends mon temps, je vise impassible. Et pourtant, je suis un tueur sensible. Tueur élégant, je porte la veste élégante. J'ai le plus beau parabellum qui soit porté par un bel homme. Je prends mon temps, je vise impassible. Et pourtant, je suis un tueur sensible. Chasseur de primes qui ne connaît pas la déprime. On ne peut être un gars libre si on n'a pas un gros calibre. Je prends mon temps, je vise impassible. Et pourtant, je suis un tueur sensible. J'ai eu de si bagages que j'ai plié armes et bagages. J'ai donné mon héritage, je vis dans un ermitage. Je prie tout le temps, autant qu'il m'est possible, espérant mes péchés rémissibles.